the Bible, in the book of Isaiah, chapter 54. La Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Says. Dit. I'm reading Isaiah 54, verse 5. Je lis Ésaïe 54, verset 5. Isaiah 54, verse 5 to verse 7, he says. Ésaïe 54, verset 5 jusqu'au verset 7, il dit. For your maker is your husband. Car ton créateur est ton époux. The Lord Almighty is his name. Le Seigneur Tout-Puissant est son nom. The Holy One of Israel is your Redeemer. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. He is called the God of all the earth. Il se nomme Dieu de toute la terre. The Lord will call you back as if you were a wife. Deserted and distressed in spirit. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. A wife who married young. Comme une épouse de la jeunesse. Only to be rejected, says your God. Qui a été répudiée, dit ton Dieu. And then he continues on. Et il continue plus loin. Precious people. Précieux peuple. We saw very clearly. Nous avons vu très clairement that you, as the church, you are the bride of Christ. Que vous, en tant qu'Église, êtes l'épouse de Christ. This was a conversation to Israel. C'est une conversation à Israël. When Jehovah was speaking to Israel, quand Jéhovah parlait à Israël, and he was telling Israel, et il disait à Israël, that your maker is your husband. Que ton créateur, c'est ton mari. So Israel is the wife of Jehovah. Alors, Israël est l'épouse de Jéhovah. That we all know. Cela, nous le savons tous. And the church is the bride of Christ. Et l'Église est l'épouse de Christ. Spiritual wife of Jehovah. L'épouse spirituelle de Jéhovah. We are the spiritual bride of Christ. Nous sommes l'épouse spirituelle de Christ. Alléluia. Alléluia. And so, what the Lord is saying. Et alors, ce que le Seigneur dit. The Lord is saying that time is over. Le Seigneur dit que le temps est passé. And we saw that the Lord has already revealed to me. Et nous avons vu que le Seigneur m'a déjà révélé on the preparations for the wedding of the Lamb of God. À propos de la préparation pour les noces de l'agneau de Dieu. The wedding of Christ. Les noces de Christ. That when it comes to the day of the wedding of the Lamb of God. Alors quand vient le jour des noces de l'agneau de Dieu. Some people call it the day of rapture. Certaines personnes appellent cela le jour de l'enlèvement. It does not matter. Peu importe. Whatever description you give it. Quelle que soit la description que nous donnons. We saw very clearly that when that day comes as ordained by the Bible. Nous voyons très clairement que quand ce jour vient ordonné par la Bible. That the way the Bible celebrates the day of rapture. Que la manière dont la Bible célèbre le jour de l'enlèvement. The day of the wedding of the Lamb. Le jour des noces de l'agneau. The Bible says. La Bible dit. That when that day arrives. Que quand ce jour arrive. Then the entire heaven comes to a stop. Alors le ciel entier s'arrête. We saw in Revelation chapter 19. Nous avons vu dans Apocalypse 19. Verses 6 to verse 9. Les versets 6 à 9. We see the celebration of the wedding of the Lamb of God. Nous voyons la célébration des noces de l'agneau de Dieu. And that the manner in which the wedding of the Lamb of God is celebrated. Et la manière dont les noces de l'agneau de Dieu sont célébrées. Tells you. Vous dit. That in the calendar of God Almighty. Que dans le calendrier du Dieu Tout-Puissant. If you were to open his calendar. Si vous ouvriez ce calendrier to check the way he has marked the days pour vérifier la manière dont il a marqué les jours in his calendar, dans son calendrier, it tells you il vous dit that the day of the wedding of the Lamb of God que le jour des noces de l'agneau de Dieu is the most important day est le jour le plus important in the calendar of God Almighty. Dans le calendrier du Dieu Tout-Puissant. That's what you get from the felicitation. C'est ce que vous comprenez des félicitations. The jubilation. La jubilation. The celebration. La célébration. That accrues, that consumes the kingdom of God. Qui retient, qui préoccupe le royaume de Dieu. When that day arrives. Quand ce jour arrive. The fact that God Almighty has now shown me. Que le fait que le Dieu Tout-Puissant m'est maintenant montré two wedding rings in the sky, deux anneaux de noces dans le ciel, that is reason enough for you to know, c'est une raison assez grande pour vous de savoir that the preparations for that wedding have been finished, que la préparation de ce mariage est terminée. They have been finalized. Ils ont été finalisés. Which means the wedding is ready. Ce qui signifie que les noces sont prêtes. And so you begin to understand the urgency of my coming here. Alors vous commencez à comprendre l'urgence de ma venue ici. I come that I may awake the church. Je viens pour que je puisse avertir l'église. He has sent me to shake you. Il m'a envoyé pour vous secouer. To wake you up. Pour vous réveiller and let you know et vous laisser savoir that the day and the hour nobody knows. Que le jour et l'heure, personne ne les connaît. Nobody knows the day or the hour of the wedding of the Lamb of God. Personne ne connaît le jour ou l'heure des noces de l'agneau de Dieu. Even Christ the Messiah, même Christ le Messie, does not know. Ne le connaît pas. And even the angels in heaven, même les anges des cieux, they do not know. Ils ne le savent pas. And he says, et il dit, he has sent me, il m'a envoyé, to let you know, pour vous laisser savoir, that secret day, que ce jour secret, that hidden day, ce jour caché, that mysterious day, ce jour mystérieux, the preparations in heaven have now been finished. La préparation dans les cieux est maintenant terminée. And that means any moment now, et ça signifie que à tout moment, maintenant, the wedding of the Lamb of God will take place. Les noces de l'agneau de Dieu vont prendre place. I have so many countries to run to. J'ai tellement de contrées où courir. It is a lot of responsibility for God to show me this and say, go and tell them. C'est une grande responsabilité car Dieu me montre et me dit va et dis-leur. So you can imagine spending a lot of time on the flights going to every country. Mais vous pouvez imaginer de passer beaucoup de temps dans les avions allant dans toutes les contrées. But mais I know that I might never reach other countries. Je sais qu'il y a des contrées où je ne pourrai jamais aller. Even islands. Même des îles. And that's why I said. C'est pourquoi j'ai dit that this is love. Que c'est l'amour. This is love. C'est l'amour. Because he has finally revealed to you people. Parce que il a révélé cela à vous. That he is coming. Qu'il vient. He is coming. Il vient. He is coming for the church. Il vient pour l'église. Alleluia. Alleluia. And so. Et alors. You can literally prepare. Vous pouvez littéralement vous préparer. Practically prepare. Pratiquement préparer. And enter. Et entrer. I need to reach Comoros. J'ai besoin d'atteindre les Comores. Taiwan. La Taïwan. Japon. Le Japon. I need to reach North Korea. J'ai besoin d'atteindre la Corée du Nord. I need to go to Russia, Ukraine. J'ai besoin d'aller en Russie et en Ukraine. But here you are today. Mais ici, vous êtes aujourd'hui. You are hearing about the coming of the Messiah that all the nations have been waiting for many years. Vous entendez à propos de la venue du Messie que les autres nations attendent depuis plusieurs années. That is a blessing of the Lord. Mais c'est la bénédiction du Seigneur. And that's why, c'est pourquoi, make sure you don't hear in vain. Soyez sûr de ne pas écouter en vain. Make sure you hear and prepare. Soyez sûr d'écouter et de vous préparer. How do you prepare? Comment est-ce que vous vous préparez? The Bible says, la Bible dit, the celebration that takes place in heaven, la célébration qui prend place au ciel, is owing to the fact, c'est grâce au fait que, that the bride of Christ, que l'épouse de Christ, has finally made herself ready. S'est finalement préparée. How does heaven know that you are ready for the Messiah? Comment est-ce que le ciel sait que vous êtes prêt pour le Messie? Listen very carefully. Écoutez attentivement. Heaven will only know. Les cieux sauront seulement when that day arrives. Quand ce jour arrive. The day will not change. Le jour ne changera pas. The day has been marked on the calendar of God. Le jour a été marqué dans le calendrier de Dieu. But when it arrives, mais quand il arrive, when that day comes to pass, quand ce jour se passe, how will the Lord know who is ready? Comment est-ce que le Seigneur saura qui est prêt? Revelation chapter 19, verses 7 and 8 says, Apocalypse chapitre 19, les versets 7 et 8 dit, fine linen, du fin lin, has been given to the bride of Christ, a été donné à l'épouse de Christ, to wear, pour se vêtir. That means, ça signifie, the only way the Lord will know that you are ready, la seule manière dont Dieu saura que vous êtes prêt, is when he sees you, c'est quand il vous voit, wearing fine linen, vêtu de fin lin, bright and clean, brillante et pure. Listen to this. Écoutez ceci. Fine linen, du fin lin. The Bible says, la Bible dit, in that Revelation chapter 19 verse 8, dans Apocalypse chapitre 19 verset 8, fine linen, du fin lin, stands for the righteousness of the church. Ce sont les œuvres justes de l'église. So the message I bring is not a message of prosperity. Alors le message que j'apporte n'est pas un message sur la prospérité. I am bringing you not earthly prosperity. Je ne vous apporte pas la prospérité terrestre. The prosperity I bring you, la prospérité que je vous apporte, is immeasurable, est immesurable. You cannot measure it. Vous ne pouvez pas la mesurer. It is too big. You cannot eat it in this lifetime. Elle est trop grande. Vous ne pouvez pas la manger dans tant de cette vie and finish it. Et la finir. I bring you eternal prosperity. Je vous apporte la prospérité éternelle. Spiritual prosperity. La prospérité spirituelle. I bring you the kingdom of God. Je vous apporte le royaume de Dieu. The eternity with God. L'éternité avec Dieu. Eternity. L'éternité. Eternity. L'éternité. Remember. Souvenez-vous. Eternity does not end. L'éternité n'a pas de fin. Even after 900 trillion years are over. Même après que 900 000 milliards d'années se soient passées. Eternity has not yet begun. L'éternité n'a pas encore commencé. So you can imagine the big treasure the Lord sent me to bring you. Alors vous pouvez imaginer le grand trésor que le Seigneur m'a envoyé vous apporter. On the earth you can only live 70, 80. Sur la terre, vous pouvez vivre seulement 70 ou 70 ou 80. If you are, they say lucky, 70, 80 years. Si vous êtes chanceux, 70, 80 ans, 90, they say you are very old. 90 ou 90 disent que vous êtes très âgé. But eternity with God, mais l'éternité avec Dieu, after 900 trillion years, après 900 000 milliards d'années, eternity has not yet begun. L'éternité n'a pas encore commencé. Eternity has no end. L'éternité n'a pas de fin. So this message that the Lord sent me to bring is the biggest piece of love and favor. Alors, ce message que le Seigneur m'envoie vous apporter, c'est la plus grande pièce d'amour et de faveur. Because, parce que, what is the point being a Christian and missing eternity? Quelle importance d'être un chrétien et de manquer l'éternité? Many people, they say, oh, I am a Christian. Are you born again? Yes, I'm born again. Beaucoup de gens disent, oh, je suis chrétien. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau. Do you know Jesus? Yes, I know Jesus. Est-ce que tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. But when you ask them, mais quand vous leur demandez, how about eternity? Qu'en est-il de l'éternité? Are you guaranteed? Êtes-vous sûr? Assured. Assuré. Of eternity with God. De l'éternité avec Dieu. Then you begin to see people wavering. Vous commencez à voir les gens hésiter. Why? Pourquoi? Because if you are standing right with God, you will always know. Parce que si vous êtes en ordre avec Dieu, vous allez toujours le savoir. There is no doubt. Il n'y a pas de doute. About this salvation of the cross. À propos de ce salut à la croix. The reason the people will not be sure about eternity in the church. La raison pour laquelle les gens ne sont pas sûrs à propos de l'éternité dans l'église is because c'est parce que when they received the grace from the cross, quand ils reçoivent la grâce de la croix, and the lamps of their hearts were lit, et les lampes de leur cœur étaient allumées, and their faces began to reflect the light of God in their lives. Et leur face commence à refléter la lumière de Dieu dans leur vie. Then they went back to sin. Ensuite, ils retournent pécher. That's why I am here now. C'est pourquoi je suis là maintenant. That the church may step back from sin and return to holiness. Pour que l'église se détourne du péché et retourne à la sainteté. Righteousness. À la justice. Godliness. À la piété. The fear of the Lord. À la crainte du Seigneur. I shared on the midnight clock. J'ai partagé à propos de la pendule de minuit. And I said, et j'ai dit that the Lord has revealed to me que le Seigneur m'a révélé his clock in heaven. Sa pendule dans le ciel. In that vision, dans cette vision, there was a thick, pitch black sky. C'était un ciel épais, profond et sombre. The pitch darkness, pitch. De profondes ténèbres, profondes. Total darkness, grand darkness. Des ténèbres totales, de grandes ténèbres. Obscuro in Spanish. Obscuro en espagnol. And in that darkness, et dans ces ténèbres, heaven opened in that vision. Les cieux se sont ouverts dans cette vision. And I saw a golden clock being lowered. Et j'ai vu une pendule d'or être abaissée. And when the golden clock was lowered, et quand la pendule d'or était abaissée, I looked at the face of the clock. J'ai regardé le cadran de la pendule. And when I looked at the face of the clock, et quand j'ai regardé le cadran de la pendule, listen to this. Écoutez ceci. When I looked at the face of the clock, quand j'ai regardé le cadran de la pendule, in that dream, dans ce rêve, I panicked. J'ai eu peur. I trembled. Je tremblais. I shook. J'étais secoué. Why? Pourquoi? Every time God speaks to his servants, now you know. Chaque fois que le Seigneur parle à ses serviteurs, why does he speak to them in the night? Pourquoi est-ce qu'il leur parle pendant la nuit? In the dreams. Dans des rêves. Either night or day, but when they are asleep. Que ce soit la nuit ou le jour, mais quand ils dorment. Why is it that many times when the Lord wants to speak with me? Pourquoi est-ce que très souvent, quand le Seigneur désire parler avec moi, whether I'm sitting on a chair, he makes me fall asleep. Quand je suis assis sur une chaise, il m'abat, il me fait dormir. Whether I'm on a chair, I go like this. Quand je suis sur une chaise, je commence à être comme ça. And people who are talking to me, all of them will keep quiet for some time. Et les gens qui parlaient avec moi restent tranquilles pendant un moment. Until this is finished. Jusqu'à ce que ce soit fini. Because parce que when he sends you to sleep, he subdues you. Quand il vous envoie dans le sommeil, il vous soumet. He arrests you. Il vous arrête. He makes sure that you have no prejudice. Il s'assure que vous n'avez pas de préjudice. He makes sure now he controls you. Il s'assure qu'il est en train de vous contrôler. So when he made me panic in that dream, il a permis que je m'affole dans ce rêve. That was God that made me panic when I looked at the clock. C'était Dieu qui m'a fait m'affoler quand j'ai regardé cette pendule. The panic was a message to you, the church. L'affolement, c'était un message pour vous, l'Église. In other words, God told them to prepare and panic. Dans d'autres mots, va et dis-leur de se préparer et de s'affoler. They need to now panic. Maintenant, ils ont besoin de s'affoler. They must now panic. Ils doivent maintenant s'affoler. They must panic. Ils doivent s'affoler. Prepare in panicking. Préparez-vous dans l'affolement. Why? Pourquoi? Because every time there is an exam. Parce que chaque fois qu'il y a un examen, in the school, à l'école, examination, une examination, exams are coming. Les examens viennent. The students are preparing for exams. Les étudiants se préparent pour les examens. The teachers, les enseignants, they will always watch. Ils vont toujours regarder. If they see the student who is panicking, taking notes, s'ils voient les étudiants s'affoler, prendre des notes. Taking, excuse me, teacher. Prenons, excusez-moi, enseignant. I did not understand this part. Can you panicking? Je n'ai pas compris cette partie. Pouvez-vous? Ils s'affolent. They love that student. Ils aiment ces étudiants. That means that student is preparing in earnest. Ça signifie qu'il se prépare sérieusement. But if you find a student that is not panicking. Mais si vous trouvez un étudiant qui ne s'affole pas. Exams are coming. Les examens viennent. And he is just not caring. Et il ne s'en fait pas. That student is going to fail exams. Cet étudiant va rater ses examens. That is why in that dream he made me panic. C'est pourquoi dans ce rêve, il m'a rendu affolé. Panic. Affolé. And I will take you to the Bible in the book of Exodus 12. Et je vais vous amener dans la Bible au livre d'Exode 12. So you will see how Israel also panicked. Alors vous allez voir comment Israël aussi a paniqué. When the midnight hour was near. Quand l'heure de minuit s'approchait. Make sure you catch this one. Soyez sûr d'attraper cela. This is the biggest treasure that the Lord has sent me to bring to you. C'est le plus grand trésor que le Seigneur m'a envoyé vous apporter. Gone are the days. Les jours sont passés. When people should come here. Où les gens peuvent venir là and preach to you prosperity. Et vous prêcher la prospérité. And say, if you sow a seed, et dire, si vous semez une graine, you see, I have come from Africa, I want to harvest. Vous voyez, je viens d'Afrique et je veux récolter. And then I go with a big bag of money. Et ensuite, je m'en vais avec un gros sac d'argent. Gone are those days. Ces jours sont passés. We are now living on borrowed time. Nous sommes maintenant en train de vivre dans le temps de l'emprunt. This is the dispensation of the Lord. C'est la dispensation du Seigneur. Not of men. Non pas des hommes. And money. Et l'argent. And women. Et les femmes. And wealth and everything of the earth. Et les richesses et toutes choses de la terre. This is the dispensation. Of the kingdom of God is near. C'est la dispensation du royaume de Dieu est proche. Stop it. Arrêtez cela. Stop the money. Arrêtez l'argent. Oh, sow a seed here. Run with money. The false prophets, false apostles. Oh, semez une graine ici. Courez avec de l'argent. Les faux prophètes, les faux apôtres. Run with money at the foot of the apostles. Courez avec de l'argent aux pieds des apôtres. Run with money to the foot of the prophets. Courez avec de l'argent aux pieds des prophètes. They've said everything under the sun, right? Ils ont tout dit sous le soleil. But I come with the truth. Mais je viens avec la vérité. That never again should anybody lie to you. Que plus jamais personne ne vous mentira. This is the dispensation of correction. C'est la dispensation de la correction. Repentance. De la repentance. Revival. Du renouveau. Reformation. De la réformation. Restoration. De la restauration. Return. Du retour. The dispensation of return. Let us return. La dispensation du retour. Retournons. Alléluia. Alléluia. We must return. Nous devons retourner. You must return. Nous devons retourner. Because he says, like a wife that was deserted. Parce qu'il dit, comme une épouse qui était abandonnée. And distressed in her spirit. Désespérée dans son esprit. I will now go back and lure her back. Je veux maintenant retourner et l'attirer à nouveau. And speak sweet words to her to come back. Et lui dire des mots doux pour qu'elle revienne. He says to Israel. Il dit à Israël. That is what he's doing with the church today. C'est ce qu'il fait avec l'église aujourd'hui. I love the old church. J'aime l'ancienne église. She is holy. Elle est sainte. She was righteous. Elle était juste. She was Christ-centered. Elle mettait Christ au centre. She did not have microphone. Elle n'avait pas de microphone. And amplifiers. Et ni d'amplificateur. And speakers. Et de haut-parleurs. But when the Holy Ghost came, Peter stood up. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Pierre s'est levé. And more than 3,000 were harvested. Et plus de 3,000 ont été récoltés. The Lord is longing for that church. Le Seigneur aspire pour cette église-là. If you hear the way the Lord is speaking, si vous entendez la manière dont le Seigneur parle, the underpinnings, the undertones of this conversation, les fondements et les nuances de cette conversation, is that I long for my first love. C'est que j'attends avec impatience mon premier amour. I long for that first primitive church, that innocent church. J'attends avec impatience cette première église primitive, cette église innocente. That unadulterated Christianity. Un christianisme qui n'est pas adultéré. That's why I have come. C'est pourquoi je suis venu. But what I'm saying, mais ce que je dis, is that when I looked at the clock, it was 1 minute to midnight. C'est que quand j'ai regardé la pendule, c'était 1 minute avant minuit. And that's why I panicked. C'est pourquoi je me suis affolé. In the dream, in that vision, I panicked. Dans ce rêve, dans cette vision, j'ai paniqué. In fact, I was having a big revival meeting in Hyderabad, India. En fait, j'avais un grand rassemblement du renouveau à Hyderabad, en Inde. When that was happening. Quand ça s'est passé. And then the voice in the dream said, "Go tell these people to prepare for the coming of the Lord." Et la voix dans ce rêve a dit, "Va et dis à ce peuple de se préparer pour la venue du Seigneur." The clock he placed right at the entrance to heaven. Entrance. La pendule qu'il a placée juste à l'entrée des cieux. We are living in a very beautiful time. Nous sommes en train de vivre dans un temps très beau. We are living in the hour of revelation. Nous vivons à l'heure de la révélation. When God is now revealing things, it's amazing to me. Quand Dieu maintenant révèle des choses, ça m'étonne. That when I speak these prophecies, they happen quickly. Quand je dis ces prophéties, elles arrivent très vite. So for me, that is beautiful. That is the Bible come alive. Pour moi, c'est beau. C'est la Bible qui devient vivante. Right? Juste. That is the true testimony that the Bible is the true word of the living God. C'est le vrai témoignage que la Bible est la vraie parole du Dieu vivant. That even the heathen may see. Que même les païens puissent voir. How God is shaking the whole earth, their earth. Comment Dieu peut secouer toute la terre, leur terre. Based on the Bible. Basé sur la Bible. But anyhow, mais de toute façon, when I woke up, quand il se réveille, then I ran to South America, straight. Ensuite, j'ai couru droit en Amérique du Sud. Because I realized time is out. Parce que j'ai réalisé que le temps est passé. 1 minute to midnight. 1 minute avant minuit. What does 1 minute to midnight mean? Qu'est-ce que ça signifie, une minute avant minuit? What is the message then? Quel est le message là? When the Lord opens heaven, quand le Seigneur ouvre les cieux, and shows me a clock, et me montre une pendule, which is 1 minute to midnight, qui dit une minute avant minuit, what is the message to the church? Listen very carefully. Quel est le message pour l'église? Écoutez attentivement. Every time the Lord spoke about the coming of the Messiah, chaque fois que le Seigneur parle de la venue du Messie, he said, il dit, it will take place at the midnight hour. Ça va prendre place à minuit. You understood? Vous avez compris? He is coming at the midnight hour. Il vient à l'heure de minuit. I used to think it's about 5 minutes or so in the spiritual time. J'avais l'habitude de penser que c'était 5 minutes à peu près dans le temps spirituel. But 1 minute, I panicked. Mais une minute, je m'affole. Because when I looked at the second hand, it was moving so fast like this. Parce que quand j'ai regardé la grande aiguille, ça avançait tellement vite, comme ça. The Lord made the red one move very fast like this, like this. Le Seigneur a avancé l'aiguille des secondes très vite, comme ceci, comme ceci. So I panicked. Alors, je me suis affolé. Listen. Écoutez. Every time it is 1 minute to midnight. Chaque fois que c'est une minute avant minuit, that means, ça signifie, that the new day is going to happen anytime. Que le jour nouveau va venir à tout moment. Did you understand? Vous comprenez? 1 minute to midnight. Une minute avant minuit. Which means, ce qui signifie, the new day is going to strike anytime now. Le jour nouveau va frapper à tout moment maintenant. We have no control. The clock, you cannot hold the clock. Nous n'avons pas de contrôle. La pendule, nous ne pouvons pas tenir la pendule. You cannot. Nous ne pouvons pas. It will happen. Ça va arriver. It will realize. Ça va se réaliser. Every time, it is 1 minute to midnight. Chaque fois, c'est une minute avant minuit. The message is. Le message est. That the old day is gone. C'est que l'ancien jour est passé. Do you understand me? Vous comprenez ceci? Today, before you came to church, aujourd'hui, avant que vous veniez à l'église, you prepared. Vous vous préparez. You prepared yesterday. You said, "What shoe will I put on?" You brush it. Vous êtes préparé hier. Vous avez dit, qu'est-ce que je vais mettre? Vous brossez cela. Brush it well. Put it aside. Vous le brossez bien. Vous le mettez de côté. In the closet, what clothes will I wear tomorrow? Dans l'armoire. Quel habit est-ce que je vais mettre demain? You check, you check, you find I like this tomorrow. Tomorrow is Sunday, but I need to go. I'm going to church. Vous regardez, demain c'est dimanche. Je vais aller à l'église. So you choose the best. Alors, vous choisissez le meilleur. You always prepare for the new day. Toujours, vous vous préparez pour le jour nouveau. And so, if you prepare for the new day. In the physical realm. Alors, si vous vous préparez pour le jour nouveau dans le domaine physique, how much more should you prepare in the spiritual realm? Combien plus devez-vous vous préparer pour dans le domaine spirituel? You get the message now. Vous comprenez le message maintenant? It's about prepare the way. C'est à propos de préparer le chemin. It's about prepare the way. C'est à propos de préparer le chemin. I have not shared with you how he presented John the Baptist on my right hand side. Je n'ai partagé avec vous comment il m'a présenté Jean-Baptiste à ma droite. On the 2nd of April 2004. Le 2 avril 2004. I have not shared with you. Je n'ai pas partagé ceci avec vous. If you can prepare that tomorrow I want to go to church. Si vous pouvez vous préparer que demain je désire aller à l'église. I'm going to look for this kind of trousers, this kind of shoes, this kind of shirt. Je vais me vêtir de ces pantalons, ces sortes de chaussures, cette sorte de chemise. Then how much more for Jehovah our God? Alors combien plus pour Jéhovah notre Dieu? That the new day is coming now. He said, look, prepare to robber. Qu'un nouveau jour vient maintenant. Alors regarde, prépare-toi à t'habiller. In Spanish, prepare your clothes. En espagnol, prépare tes habits. Prepare your clothes for tomorrow. Prépare tes habits pour demain. What will you be wearing for the new day? Qu'est-ce qu'on va mettre pour le jour nouveau? That's what he sent me to ask you. C'est ce qu'il m'a envoyé vous demander. If the old day was full of darkness. Si le jour ancien était plein de ténèbres. Now we are in the 11th hour. Maintenant, nous sommes à la 11e heure. 11:59 p.m. 23h59. 11th hour. La 11e heure. You know? Listen to this. Vous savez? Écoutez ceci. 11 p.m. 11h du soir. Tends to be when you talk to people. Attendons. 11h du soir a tendance à être lorsque, quand nous parlons aux gens. Let's say you are having a meeting. Disons que vous avez un rassemblement. Meeting, meeting, meeting. Rassemblement, rassemblement, rassemblement. 9 p.m. À 9h du soir. 10 p.m. 10h du soir. 11 p.m. You are still opening pages, having meeting. À 11h du soir, vous êtes encore en train d'ouvrir les pages, vous avez encore le rassemblement. Then when it reaches 11. Ensuite, quand 11h arrive. Normally you start seeing people. Normalement, vous voyez les gens qui s'endorment. People get dizzy. Les gens deviennent assoupis. People begin to slumber. Les gens commencent à dormir. People get sleepy. Les gens deviennent ensommeillés. People get tired. Les gens deviennent fatigués. But so it is in the spiritual realm. Alors, c'est la même chose dans le domaine spirituel. He sent me here to shake the church because she's been long time in waiting. Il m'a envoyé ici pour observer l'église parce qu'elle a été très longtemps à attendre. So she's tired. Alors, elle est fatiguée. She's dozing. Elle est ensommeillée. She's dizzy. Elle est étourdie. She is sleepy. Elle est endormie. And tired. Et fatiguée. Don't get tired. Ne devenez pas fatigué. The Bible says, la Bible dit in Matthew 25, verse 5, dans Matthieu 25, verset 5, he says, il dit the 10 virgins, 5 wise, 5 foolish. Les 10 vierges, 5 sages, 5 folles. The coming of the groom was long time in coming. La venue de l'époux était longue à venir. So they all the 10, not 5, all the 10, they became tired and sleepy and went to sleep. Alors, toutes, non pas 5, mais toutes les 10 deviennent assoupies et commencent à dormir. And when they went to sleep, et quand elles sont allées dormir, you can see that their lamps died. Vous pouvez voir que leurs lampes meurent. Their lamps died. Leurs lampes meurent. Died. The lamps died. Leurs lampes meurent. The lamps got burnt out. Leurs lampes se sont éteintes. At this moment in the church, à ce moment dans l'église, this is the most deadly time. C'est le moment fatal. The most dangerous time. Le temps le plus dangereux. Because your lamps can easily go off. Parce que vos lampes peuvent facilement s'éteindre. There is so much pressure, the wind. Il y a tellement de pression avec le vent. The winds are blowing. Les vents soufflent. The wind of homosexuality, the wind of sexual sin. Le vent de l'homosexualité, le vent des péchés sexuels. The wind of love of money. Le vent de l'amour de l'argent. The wind of falsehood. Le vent du mensonge. The wind of what? The wind of everything. Le vent de quoi? Le vent de toutes choses. There is so much pressure on the Christian lamp. Il y a tellement de pression sur les lampes chrétiennes. Every lamp that is burning has some pressure. Toute lampe qui brille a quelque pression. The winds want to blow it off. Les vents désirent les éteindre. And you see that in verse 6, et vous voyez que au verset 6, then the loud cry came out, wake up! Alors le fort cri, viens, réveille-toi! Behold, the Messiah is coming. Voici, le Messie vient. And you see that all the 10 virgins, 10, 10, 10, woke up. Alors, vous voyez voyez que toutes les 10 vierges, 10 se réveillent. They were all sleeping, by the way. Elles étaient toutes endormies. Why is that foolish? Les sages et les folles. All the 10 wake up. Toutes les 10 se réveillent. But when they wake up, what do you see? Quand elles se réveillent, qu'est-ce que vous voyez? You see now the difference splitting out. Vous voyez maintenant la différence, les diviser. For example, the Lord has sent me here. Wake up! I have seen the Messiah coming. Par exemple, le Seigneur m'a envoyé ici. Réveillez-vous! Le Messie vient. And then I go. Et ensuite je vais. This becomes the most critical time in the church. Ça devient le temps le plus critique dans l'église. Because that is when you will separate the sheep nations from the goat nations. Parce que c'est quand vous allez séparer les nations brebis des nations boucs. That is the time when now those who are destined for heaven, you will see them. C'est le temps où maintenant ceux qui sont destinés pour le ciel, vous allez les voir. Because they will be wearing the Holy Spirit. Parce qu'ils vont se revêtir du Saint-Esprit. Because there's so much pressure on the lamps. Parce qu'il y a tellement de pression sur les lampes. Now we need external help. Que maintenant nous avons besoin d'une aide extérieure. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. To pour now into the lamps. Pour verser dans les lampes. But now we may use the help of God alone. Mais maintenant nous pouvons utiliser l'aide de Dieu seul. Not to try the way you've been trying by yourself over the years. Ne pas essayer comme vous avez eu l'habitude d'essayer pendant toutes ces années. Falling into sin, doing this and ABCD. Tombant dans le péché, faisant toutes choses et encore autres. But now. Mais maintenant. Now that the Holy Spirit. Maintenant que le Saint-Esprit may fuel your lamp of salvation. Peut remplir vos lampes de salut. And when the Holy Spirit is fueling your lamp of salvation. Et quand le Saint-Esprit remplit vos lampes de salut. Guess what? Devinez quoi? The more the wind tries to come. Plus le vent essaye de venir. The bigger the flame. Plus grande est la flamme. Well, now you have cleaned up the wicks. Quand maintenant vous avez nettoyé la mèche. The more the wind will try to blow your lamp. Plus le vent va essayer d'éteindre votre lampe. The wind will act as an enhancer. Le vent agira comme un rehausseur. The more you will see homosexuals. Plus vous allez voir d'homosexuels. The more you say, you know what? I am now sticking to Jesus. Plus vous dites, vous savez quoi? Je me suis maintenant attaché à Jésus. Because of that defilement, my eyes have opened. It is sick. Now I will stick more to Jesus. À cause de cette souillure, mes yeux sont ouverts. C'est dégoûtant. Maintenant, je veux adhérer encore plus à Jésus. When you see prostitution, you say, wow, the more I see prostitution now, my eyes are open. Quand vous voyez de la prostitution, vous dites maintenant, plus je vois de la prostitution, mes yeux sont ouverts. I know that they will not see the kingdom except they repent. Je sais qu'ils ne verront pas le royaume, sauf s'ils se repentent. Now the more I stick to my salvation. Maintenant, je m'attache encore plus à mon salut. Demain. Encore plus. Demain. Encore plus. Demain. Encore plus. Demain, the false prophets come. Plus les faux prophètes viennent. Demain, you say, you know what? For me, I will stick to the truth. Plus vous dites, vous savez quoi? Je vais adhérer à la vérité. That's why it is called the dispensation of renewal. C'est pourquoi c'est appelé la dispensation du renouveau. Revival, resuscitation. Le réveil, la réanimation. She went into a coma. Elle est entrée dans un coma. She slept. Elle dormait. Because of the devil sent her to sleep. À cause du diable, le diable l'a fait tomber dans le sommeil. Until she went into a coma. Jusqu'à ce qu'elle entre dans un coma. But it's time to resuscitate her. Mais c'est le temps de la réanimer. Infuse new life. Lui insuffler une vie nouvelle. The river of life in Ezekiel 47. La rivière de la vie dans Ézéchiel 47. Ezekiel 47 verses 1 to 6. I'm going to tell you what it says. Ézéchiel 47, les versets 1 à 6. Je vais vous dire ce qu'il dit. Ezekiel 47 verses 1 to 6. Ézéchiel 47 verset 1 à 6. He says, il dit, the man led me into water that was ankle deep. L'homme m'a conduit dans l'eau qui arrivait jusqu'aux chevilles. He measured off another 1,000 cubits and led me to water that was to the knee. Il a mesuré encore 1,000 coudées et il m'a conduit dans l'eau qui arrivait aux genoux. He measured off another 1,000 cubits and he led him to the water that was to the waist. Il a mesuré encore 1,000 coudées. Il m'a conduit dans l'eau qui arrivait jusqu'à la taille. And he says, when he measured off another 1,000 cubits, et il dit, quand il a mesuré encore 1,000 coudées, with the measuring line, avec le cordeau, it was now a river that I could not cross. C'était maintenant une rivière que je ne pouvais pas traverser. Which means if I try to swim, ce qui signifie que si j'essaye de nager, I will be swept in the direction of the current. Je vais être entraîné dans la direction du courant. It will sweep me in its direction. Ça va m'entraîner dans cette direction. Let me explain to you. Laissez-moi vous l'expliquer. This is the dispensation of the Holy Ghost. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Women, des femmes, you are my daughters. Vous êtes mes filles. The Lord has made me older than all men. Le Seigneur m'a rendu plus vieux que tous les hommes. Women, you are my daughters. Femmes, vous êtes mes filles. Are there some clothes that you wear that do not glorify God? Y a-t-il quelques vêtements que vous mettez et qui ne glorifient pas Dieu? This is the time for restoration. C'est le temps de la restauration. When you come to church, quand vous venez à l'église, whom are you dressing for? Pour qui est-ce que vous êtes habillé? Are you dressing for the pastor? Est-ce que vous vous habillez pour le pasteur? Some of you dress that the pastor may like me, may see my anatomy. Quelques-unes d'entre vous se vêtent pour que le pasteur les aime, qu'il puisse voir leur anatomie. I want him to see my anatomy. J'aimerais qu'il voie mon anatomie. So he may laugh at me. Comme ça, il va me convoiter. Is that the reason you dress? Est-ce que c'est pour cette raison que vous vous habillez? That the men in the church may look at you, see your breasts, see your anatomy. Pour que les hommes dans l'église vous regardent, votre poitrine, votre anatomie. And laugh at you. Et vous convoitent. Is that the ambassador of Christ? Est-ce que c'est ça, un ambassadeur de Christ? Is that the image of God? Est-ce que c'est l'image de Dieu? And that's why I'm saying, et c'est pourquoi je dis, at this moment, every Christian, you must begin to get your checklist. En ce moment, chaque chrétien, vous devez regarder votre liste. Do an inventory. Faire un inventaire. And say, what are the clothes in my closet that don't glorify God? Et dire, quels sont les habits dans mon armoire qui ne glorifient pas Dieu? This is the moment of practical truth. C'est le moment de la vérité pratique. The days of coming here to talk nicely to you people that you may give me an offering are over. Les jours où on vient ici, qu'on vous parle gentiment à vous les gens pour que vous puissiez me donner une offrande sont passés. I don't need your offering. Je n'ai pas besoin de votre offrande. God can even lift me in the air and take me to another country. Dieu peut même me soulever dans les airs et me mettre dans une autre contrée. He is able. Il est capable. Isn't he able? N'est-il pas capable? I can even go to the airport and sleep on the floor like in South Africa and I'll see the visions of God. Je peux même aller à l'aéroport et dormir sur le sol comme en Afrique du Sud et avoir une vision de Dieu. So don't worry about, oh yeah, let's preach a good gospel. Alors ne vous en faites pas à propos de, oh, prêchons un bon évangile. So they may give me some money, like me. Alors ils peuvent me donner un peu d'argent, m'aimer. I come here, but you may not like me. Je viens là et vous pouvez ne pas m'aimer. The reason I come is that you may not like me. La raison pour laquelle je viens, c'est que vous pouvez ne pas m'aimer. I want you to like him. Je désire que vous l'aimiez. Alléluia. Alléluia. Like him. Aimez-le. The Messiah. Le Messie. It is not me, it is him. Ce n'est pas moi, c'est lui. It's not about me. Ça ne me concerne pas. That's why. C'est pourquoi. It is time for you to check. C'est le moment pour vous de regarder. What are the clothes I have in my closet? Quels habits j'ai dans mon armoire? That glorify the devil. Qui glorifie le diable? Did you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Now you have to clean up your life. Maintenant, vous avez à nettoyer vos vies. What are the conversations I am having on the phone? Quelle sorte de conversation est-ce que j'ai au téléphone? That don't glorify God. Qui ne glorifie pas Dieu. Everything the Holy Spirit will now reveal to you. Toute chose que le Saint-Esprit va maintenant vous révéler. You say, stop lying on the phone. Il veut vous dire, arrête de mentir au téléphone. These little things Christians do, lying. Ces petites choses que les chrétiens font, de mentir. When Ananias and Sapphira lied, quand Ananias et Sapphira ont menti, they died. Ils sont morts. The wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. Ananias and Sapphira lied in the New Testament church and died. Ananias et Sapphira ont menti dans l'église du Nouveau Testament et sont morts. In the period of grace and died. Dans la période de grâce et mort. So don't tell me, oh, you see, you're preaching the Old Testament. No. Et ne me dites pas, oh, vous voyez, vous prêchez l'Ancien Testament. Non. It was in the dispensation of the grace. C'était dans la dispensation de la grâce. Even the Old Testament is part of the Bible. Même l'Ancien Testament fait partie de la Bible. In fact, the Old Testament is a foreshadowing of the Messiah. En fait, l'Ancien Testament est la préfiguration du Messie. Anyhow, de toute façon, if you look at what matters, the five wise virgins, si vous regardez en ce qui concerne les cinq vierges sages and the five foolish, et les cinq folles, the wise virgins, after the announcement has been done, les vierges sages, après que l'annoncement a été fait, hey, I have seen the wedding ring. Hey, j'ai vu les anneaux de noces. Hey, I've seen the rapture of the church. Hey, j'ai vu l'enlèvement de l'église. Hey, I've seen the Messiah coming. Hey, j'ai vu le Messie venir. After that announcement, après cette annonce, the wise virgins, les vierges sages, they now began to use oil. Là, elles ont commencé à utiliser l'huile. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. And the Holy Spirit will now lead you. Et maintenant, le Saint-Esprit va vous guider. It will now not matter whether you own wealth on the earth or not. Ça n'aura pas d'importance si vous possédez des richesses ou non. But you will have an eternal treasure. Mais vous avez un trésor éternel. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. That river that I described in Ezekiel 47. Cette rivière que j'ai décrite dans Ézéchiel 47, that is the river of life that flows from the throne of God. C'est la rivière de la vie qui coule du trône de Dieu. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, that he created you with an endless, limitless capacity. Qu'il vous a créé avec une capacité sans fin et illimitée. To receive the Holy Spirit. De recevoir le Saint-Esprit. You can literally enter the church. Vous pouvez littéralement entrer dans l'église as a newborn. Comme quelqu'un de né de nouveau. Begin to receive the wisdom of the Holy Spirit. Qui commence à recevoir la sagesse du Saint-Esprit ankle level. Jusqu'où je vis. And you continue receiving him et vous continuez à le recevoir as long as your heart is repentant. Aussi longtemps que votre cœur et repentant, receiving him, le recevant, receiving him, le recevant, receiving him, le recevant, until you become an evangelist, jusqu'à ce que vous deveniez un évangéliste, until you go out to prepare the church for the coming of the Lord, jusqu'à ce que vous sortiez pour préparer les gens à la venue du Seigneur. That's what the Lord is saying. C'est ce que le Seigneur dit. And that's why that river is the one that brings the wisdom of God. C'est pourquoi cette rivière est celle qui apporte la sagesse de Dieu to the church. À l'église. That's why the wise virgins were wise. C'est pourquoi les vierges sages étaient sages. The wisdom of God comes from the throne of God. La sagesse de Dieu vient du trône de Dieu. The vehicle, the train. Le véhicule, le train. The aeroplane. L'avion. The mechanism. Le mécanisme. For bringing the wisdom of God. Pour apporter la sagesse de Dieu to the church. À l'église. Is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. He is the vehicle. Il est le véhicule. When he flows into the church. Quand il se déverse sur l'église. He brings the wisdom of God. Il apporte la sagesse de Dieu. But if you read the book of Job, chapter 28, si vous lisez le livre de Job, chapitre 28, Job 28, versets 21 à 28. Write them down because I'm not reading them. I'm summarizing them for you. Écrivez-le parce que je ne vais pas vous le lire, je vais seulement le résumer pour vous. In that scripture of Job 28, dans cette écriture de Job 28, verses 21 to 28, listen to what he says. Les versets 21 à 28, écoutez ce qu'il dit. He is describing the mystery of wisdom. Il est en train de décrire le mystère de la sagesse. He is saying, il dit, where can we find wisdom? Où pouvons-nous trouver la sagesse? He's asking, il demande, where should we go? Which is the place I should go? And when I knock the door and open, I take wisdom, I get it. Où pourrions-nous aller? À quelle place je devrais aller? Et quand je frappe à cette porte, elle s'ouvre, je prends la sagesse, je l'ai. And he says, even the birds in the sky, même les oiseaux du ciel, cannot see it. Ne peuvent pas voir ceci. And he says, et il dit, even death and destruction, même la mort et la destruction. They do not know where it is. They say only a rumor of it has reached our ears. Ne savent pas où c'est. Ils disent seulement une rumeur de cela est arrivée à nos oreilles. That means wisdom is hidden. Ça signifie que la sagesse est cachée. It is hidden even from death and destruction. Ça est caché même à la mort et à la destruction. And he goes on. And he says, when the Lord measured out the speed of the wind. Il va plus loin et il dit, quand le Seigneur a mesuré la vitesse du vent. When he determined the path of the thunderstorm. Quand il traça la route de l'éclair et du tonnerre. When he determined how far the ocean should reach. Quand il a déterminé jusqu'où l'océan doit aller. When he did all these things, quand il a fait toutes ces choses, then he looked at it. Alors il a regardé à ceci. He appraised it, he confirmed it. Il l'a estimé et confirmé. And then he said, et ensuite il a dit, listen to this. Écoutez ceci. Then he said, ensuite il a dit, behold, voici, it is the fear of the Lord. C'est la crainte du Seigneur. That is wisdom. Ça, c'est la sagesse. Alléluia. Alléluia. So when the Holy Spirit comes. Alors quand le Saint-Esprit vient, he brings wisdom, which means he brings what? The fear of the Lord. Il apporte la sagesse, ce qui signifie il apporte la crainte du Seigneur. When you hear that the five virgins were wise. Quand vous entendez que les cinq vierges étaient sages. That means they live their lives in the fear of the Lord. Ça signifie qu'elles vivent leur vie dans la crainte du Seigneur. But the Lord Jesus himself, Jesus. Mais le Seigneur Jésus lui-même, Jésus. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. The Messiah. Le Messie. The Redeemer. Le Rédempteur. He is the one who gave that parable. C'est celui qui a donné cette parabole. He is the one that gave that parable. C'est celui qui a donné cette parabole. In my Bible, it is in red. Dans ma Bible, c'est en rouge. Those are the words of Jesus. Ce sont les mots de Jésus. Jesus gave the parable about the wedding of the Lamb. Jésus a donné la parabole à propos des noces de l'agneau. And he said, only the church that will walk like the wise virgins. Et il a dit, seule l'église qui va marcher comme les vierges sages, that will walk in wisdom, qui va marcher avec la sagesse, will enter, entreront. That word must be fulfilled. Cette parole doit être accomplie. In other words, he's saying, en d'autres mots, il dit, only those Christians, seuls ces chrétiens, that will walk in the fear of the Lord, qui marcheront dans la crainte du Seigneur, from this moment on, depuis maintenant, will see eternity with God, verront l'éternité avec Dieu. So that means from today on, ça signifie que dès aujourd'hui, ask yourself, demandez-vous vous-même, when I'm dressing like this, si je me suis habillé comme ceci, is that the fear of the Lord in my life? Est-ce que ça démontre la crainte du Seigneur dans ma vie? When I'm talking like this on the phone, quand je parle comme ceci au téléphone, does it reflect the fear of the Lord in my life? Est-ce que ça reflète la crainte du Seigneur dans ma vie? When I'm eating like this, quand je mange comme ceci, without fasting, sans jeûner, does that reflect the fear of the Lord in my life? Est-ce que ça reflète la crainte du Seigneur dans ma vie? When I'm lying, whatever it is people do, accounting, whatever it is they do. Quand je mens, quoi que ce soit que les gens fassent, quand je rends des comptes, quoi que ce soit que les gens fassent. When I'm doing those things, quand je fais ces choses. Does that really reflect the fear of the Lord in my life? Est-ce que ça reflète réellement la crainte du Seigneur dans ma vie? You understand me? Est-ce que vous me comprenez? So what I'm doing, alors, ce que je suis en train de faire, instead of coming here and prophesying to you, au lieu de venir ici et de prophétiser pour vous, last time I went and I prophesied the Haiti earthquake from that side. La dernière fois que je suis venu, j'ai prophétisé le tremblement de terre de Haïti dans ce côté. Instead of coming and prophesying to you, à la place de venir et de vous prophétiser ceci ou cela, the Lord has allowed me to literally teach you. Le Seigneur m'a permis de littéralement vous enseigner. To break it down to basics, your life. Pour venir à bout de l'essentiel dans votre vie. What to dress, what to say, what to what, how to eat, how to walk. Comment se vêtir, quoi dire, comment manger, comment quoi, comment travailler. This is beautiful love of God, right? C'est un bel amour pour Dieu, juste? That it is not hidden anymore. Que ça n'est plus caché. It has just been opened up. Ça a juste été ouvert. It is totally open and obvious to everybody. Totalement ouvert et évident pour chacun. Alléluia. Alléluia. I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu la venue du Messie. He has sent me here to announce. Alors il m'a envoyé ici pour annoncer that the coming of the Messiah has drawn nearer. Que la venue du Messie est maintenant plus près. But now, that way of the Lord must pass through your heart. Que maintenant, ce chemin du Seigneur doit passer à travers votre cœur. If there are any mountains on the heart, s'il y a quelques montagnes dans le cœur, mow it down. Faites-la descendre. If there are any valleys in your heart, s'il y a quelques vallées dans votre cœur, raise it up. Soulevez-la. If there is anything in your heart, s'il y a quoi que ce soit dans vos cœurs, that is exalting itself, qui vous exalte vous-même, if there is anything in your heart, s'il y a quoi que ce soit dans vos cœurs, that exalts itself, qui s'élève lui-même, that raises itself, qui se soulève lui-même, above Christ, mow it down, au-dessus de Christ, faites-le descendre. That's a mountain. Ça, c'est une montagne. Let us make a plain, a straight way for the Lord in our hearts. Faisons une plaine, un chemin droit dans nos cœurs.